Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence « Les fantômes dans l'histoire » avec Caroline Callard, historienne, Nathalie Sirac, autrice, Catherine Schneider, maître de conférence, et Chris Vuklicevic, autrice, dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginaires. Alors, cette table ronde, donc fantômes dans l'histoire, comment est-ce que l'idée nous est venue, hein, que vous compreniez un petit peu la genèse de ce moment. On a réfléchi à ce projet de table ronde donc avec Nadège Taureau du comité d'histoire régionale que j'ai déjà cité dans le cadre de ce thème 2024 des imaginales qui est Memento Mori, souviens-toi que tu meurs. Bon. L'objectif de cette table ronde est de faire dialoguer des autrices et des historiennes qui finalement ont des occupations assez proches. On recherche, on lit, on écrit, on publie. Et nos travaux se nourrissent finalement mutuellement, hein, et nourrissent aussi nos lecteurs. Alors, des histoires de fantômes, on en connaît tous, mais il existe aussi une histoire des fantômes, et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. L'Antiquité en est peuplée, de la Mésopotamie au monde dit classique. On a un auteur, on vient d'en parler, aussi sérieux que Pline le Jeune, qui fut un gouverneur de province proche de l'empereur Trajan et qui lui-même raconte dans ses lettres des histoires de fantômes, une histoire de maison hantée, que vous pourrez retrouver dans le livre de Catherine Schneider sur Paranormal Antiquité. J'y reviens après. Et pour le monde qui m'intéresse, le monde grec, hein, les six rationnels athéniens, inventeurs de la philosophie, célébraient lors des Antestéries chaque printemps le jour des Cutroy, durant lequel les âmes des morts étaient réputées revenir sur Terre. Et puis faire de l'histoire, au fond, c'est aussi travailler avec des fantômes, des humains qui ne sont plus, mais dont des fragments d'existence plus ou moins importants perdurent à travers les sources dont nous disposons pour construire notre narration sur le passé, autrement dit, nos histoires. Alors, le fonctionnement, donc on va faire parler de manière chorale nos autrices et nos historiennes, et puis, en fonction du temps qui nous restera, on ménagera un temps à la fin pour les questions du public. Est-ce que ce fonctionnement convient à tout le monde ? C'est parfait. Alors, je vais présenter nos intervenantes. Donc, je commence dans l'ordre alphabétique par Caroline Callard, qui est historienne, spécialiste de la période moderne, la période juste après le Moyen-Âge, et qui est directrice d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et qui est l'autrice de ce livre. Donc c'est un livre historique, bien sûr, hein, c'est pas un roman, mais ça se lit comme un roman. « Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e-17e siècle ». Sur ma gauche, vous avez Nathalie Sirac, qui est la grande vainqueuse du prix imaginal des lycéens avec son Livy Morevi et les passeurs d'âmes. Voilà, une très belle histoire de fantômes, mais aussi d'âmes, hein, qui doivent passer d'un monde à l'autre. On y reviendra juste après, et puis j'en profite. Hein, le tome 2 est disponible, donc n'hésitez pas. Je vous recommande très très vivement cette très belle lecture. Un peu plus proche à ma gauche, Catherine Schneider, qui est également, qui intervient en tant qu'historienne, mais qui est maître de conférence, habilitée à diriger les recherches en littérature latine à l'université de Strasbourg, et qui a beaucoup travaillé sur les fantômes et les fantômes antiques, et qui a publié aux belles lettres ce petit recueil de textes latins et grecs, mais je vous rassure, ils sont traduits en français et très bien traduits, donc intitulé « Paranormal Antiquité, la mort et ses démons en Grèce et à Rome », et vous allez rencontrer dans ces pages également un grand nombre de fantômes. Et, at last but not least, Chris Vuklicevic, qui est la grande vainqueuse également du prix Imaginal, donc elle a remporté... hier, hein, on a eu la remise de prix, qui est l'autrice de ce très beau livre également au sujet des fantômes, Du thé pour les fantômes, une quête intime où la poésie des contes infuse, j'adore ce verbe, infuse le réel. Voilà, où également on apprend à rentrer en contact avec des fantômes pour mieux se comprendre et mieux se connaître si je ne trahis pas trop le contenu du livre. Alors, on va, dans un premier temps, tout simplement se demander, on parle de fantômes, mais c'est quoi finalement parler de fantômes? Et on va commencer avec Catherine sur les mots pour dire les fantômes. Au fond, qu'est-ce que c'est un fantôme? Qu'est-ce que ce mot porte étymologiquement? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a d'autres termes encore en latin, en grec? Merci Sophie, tout le monde m'entend? Oui. La terminologie est, dans l'Antiquité, extrêmement riche pour désigner les fantômes, qu'il s'agisse des fantômes grecs ou des fantômes latins. Alors on passe des termes très génériques du type âme, comme on pourrait les utiliser en français, d'ailleurs on n'a rien inventé en français, donc du type anima en latin. On a tout le champ lexical qui tourne autour de la vision, parce que c'est évidemment la manifestation principale dans les textes anciens. Donc, comme en français, on va avoir des mots apparition, vision. Alors, du côté grec, il y en a un qui est très connu, qui est le mot eidolon, qui désigne le double fantomatique du mort, et qui a donné le mot français idole, d'ailleurs. Il y en a un qui est très, très célèbre, qui est le mot fantasma. Et fantasma est un mot très intéressant, parce que c'est un mot grec qui est passé en latin, qui a une double descendance en français. D'un côté, il a donné le mot fantôme, et de l'autre côté, il a donné le mot fantasme. Et dans l'Antiquité, ce qui est très intéressant, c'est que le mot fantasma ne désigne pas nécessairement toujours un fantôme. En réalité, ça désigne le double d'une personne, et ça peut même désigner le double d'une personne qui est vivante, mais qui va apparaître dans un désir érotique, par exemple. On va utiliser le mot fantasma. Donc c'est un mot qui est chargé, qui est très intéressant. Après, on a des termes plus génériques qui sont toujours en lien avec des verbes qui ont pour étymologie des noms de vision. Type imago, l'image, species, spectrum, qui apparaît déjà dans l'Antiquité en latin, tout ce champ. Et puis après, on va avoir des termes un peu plus précis qui vont désigner des catégories de fantômes bienveillants ou malveillants. Par exemple, du côté latin, on a les dieux manes, qui sont les divinités des ancêtres. On a les dieux lars, qui sont des divinités, enfin les ancêtres divinisés, qui fonctionnent un peu comme des esprits tutélaires, qui restent bienveillants tant qu'on leur rend hommage, qu'on les respecte. Et puis après, plus noirs, les larves et les lémures du côté latin, notamment, qui sont plus inquiétants, plus malfaisants, plus maléfiques. Donc toute cette typologie-là, on va la retrouver, elle va traverser les siècles, et on va la retrouver après à la Renaissance. Elle apparaît dans le fameux traité de Ludwig Lavater, qui a, je crois, 48 termes différents hérités du latin et du grec, et qui les réactive. Et cette typologie, elle va traverser les siècles, et c'est assez fascinant de ce point de vue. Caroline, est-ce que vous voulez compléter ? On avait dit qu'on se tutoyait. Hein. Oui, alors... je ne sais pas si on m'entend bien. Cette question de la terminologie, elle est intéressante aussi parce que quand on est historien de la période moderne, donc au fond, une période qu'on considère comme éloignée, mais pas tant que ça, qui est une période qui correspond à la chrétienté occidentale, c'était pas du tout évident au départ de travailler sur les fantômes en utilisant ce terme, puisque... Il existe, mais de manière très, très... le terme est très discuté au XVIe siècle. Au fond, il désigne en français le fantôme en tant qu'il est une illusion. Et souvent, quand je disais que je travaillais sur les fantômes au XVIe siècle, mes collègues me disaient « mais ça n'existe pas au XVIe siècle ». Alors, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que justement, la terminologie n'est pas tellement utilisée par les auteurs. Mais ça ne voulait pas dire que la réalité que j'essayais d'approcher, à savoir le retour du vivant, des morts parmi les vivants, n'existait pas. Mais juste dans les sources, comme le mot apparaissait peu, il était mal repéré. D'une part, donc, il a fallu que j'ai utilisé ce terme de fantôme, au fond, comme un terme pour un peu anachronique, parce que mon acception du terme, qui est l'acception contemporaine, n'était pas celle des contemporains au XVIe siècle. Mais ça me permettait de mettre sur le même plan ce que les chrétiens appellent une apparition d'une âme du purgatoire. Je prenais. Et l'autre phénomène sur ces questions de dénomination qu'il était intéressant de mettre en valeur pour la Renaissance et le XVIe siècle, c'est que c'est une période où, justement, on va se poser la question des termes. Il y a des dictionnaires de termes, on réexhume, c'est la Renaissance ou la période de l'humanisme où on va promouvoir les textes de l'Antiquité. Et donc, on va retrouver tous ces termes dont on vient de parler et s'interroger sur le bon terme à utiliser. Donc, c'est peut-être ça aussi la spécificité de la Renaissance, c'est justement d'avoir réfléchi à ces qualifications, à ces opérations de qualification d'un point de vue savant. Mais il ne faut pas perdre de vue, effectivement, ou en tout cas oublier que dans les récits des rencontres des vivants et des morts faits par les contemporains, ils n'avaient pas nécessairement besoin de recourir à ces termes-là. Merci. Oui, il faut qu'on parle bien dans les micros pour que tout le monde nous entende. Je vais passer... Chris, j'avais une question. Alors... pas tant sur les mots pour dire les fantômes, mais sur les noms que tu donnes aux fantômes, et notamment ce concept que tu as développé dans ton roman, des outre-noms. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors l'outre-nom, il ne parle pas vraiment de fantômes, spécifiquement. L'outre-nom, c'est un concept qu'on retrouve donc, dans Du thé pour les fantômes, et qui est un nom dans votre nom. Donc, avec certaines lettres de votre prénom, on peut trouver des mots. Par exemple, dans mon prénom, c'est Christelle. On peut trouver le cri, la clé, la stèle. Il y a plein de choses, voilà. Et je suis partie de ça pour imaginer donc l'outre-nom, qui serait un peu l'équivalent en fait en psychologie de l'ombre de Jung. Donc ce double de soi, encore une fois, peut-être ce fantasme justement, quelque chose qui est en nous mais qu'on n'ose pas regarder, une espèce de reflet de soi-même en creux, donc une ombre tout simplement. Qui représente tout ce qu'on ne s'autorise pas, ce qu'on ne veut pas être, ce qu'on ne s'autorise pas à être. Et c'est souvent ce qui nous agace chez les autres, d'ailleurs. C'est-à-dire les défauts qu'ils s'autorisent à avoir et que nous, on aimerait bien pouvoir faire, mais que voilà, parce que notre éducation, la société, ou ce que, je sais pas, le surmoi, ou en tout cas, ce qu'on n'a pas envie d'être. Voilà. Et voilà, c'est pour dire que ces deux identités-là sont en nous. Merci. Alors, j'ai une deuxième question à poser à nos intervenantes. Finalement, pourquoi on a réfléchi à ce qu'était un fantôme, on a commencé à penser à ces noms, à cette histoire de double, fantasma. Je reviens à une question peut-être un petit peu plus simple. Pourquoi, comment, enfin plus simple en apparence, pourquoi et comment en êtes-vous arrivé à écrire sur les fantômes ? On va peut-être commencer par toi, Nathalie. Alors moi je suis une intruse, je ne parle pas de fantôme, je parle d'âme. Ce que j'aimais bien dans la notion d'âme, c'est ce qui anime le vivant, et du coup, c'est la continuité du vivant dans la mort. Donc il y avait ce concept qui me plaît beaucoup. Comment j'en suis venue à parler d'âme ? D'abord, j'ai parlé de passeur d'âme. C'est le concept qui m'a intéressée. Quand j'ai commencé à écrire, je n'étais pas du tout inspirée. Je voulais écrire dans l'imaginaire, mais je ne savais pas vraiment sur quel thème. Donc j'ai fait une étude de marché. Alors je sais, c'est pas très glamour, mais j'ai regardé quels étaient les thèmes qui pouvaient être abordés, et surtout les thèmes qui n'étaient pas abordés, et les personnages des passeurs d'âme sont ressortis. Et c'est un concept qui m'a touchée, qui m'a parlé. À titre personnel, j'ai eu un très grave accident de voiture quand j'avais 24 ans. Et il y a eu un moment où ma voiture s'est immobilisée et j'avais du sang dans la bouche et je me suis dit, je vais mourir toute seule. Et donc j'ai été sensibilisée à ce sujet de la mort et de la solitude face à la mort. Donc j'ai beaucoup regardé des sujets tels que les personnes qui accompagnent la mort. Alors bien sûr, il y a ceux qu'on connaît, les personnes qui travaillent dans les soins palliatifs, les psychothérapeutes, les thanatopracteurs quand c'est terminé. Et puis il y avait ces passeurs d'âme que finalement on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et j'ai eu envie de leur rendre des lettres de noblesse. Et puisqu'il y avait des passeurs d'âme dans mon histoire, eh bien forcément, il y aurait des âmes, et c'est à partir de là que j'ai créé leur univers. On va faire tourner le micro dans le sens là. On peut commencer par toi, Catherine. Alors, comment est-ce qu'on passe du très sérieux latin aux histoires de fantômes ? On ne s'imagine pas ça hein, quand on pense aux déclinaisons latines, mais en fait. Alors, moi, ça remonte très loin. En réalité, c'est par goût. Quand j'étais petite, j'étais une dévoreuse de livres et j'adorais tout particulièrement le fantastique. Et mon tout premier souvenir, c'est le souvenir de l'anthologie, de la lecture de l'anthologie fantastique de Roger Caillois. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Il y a une nouvelle notamment qui m'avait marquée, c'est le signaleur de Dickens, de Charles Dickens, qui m'avait glacé, donné de délicieux frissons. C'est un peu l'objectif de la littérature fantastique. Donc j'ai toujours aimé la littérature fantastique, j'en ai beaucoup lu. Après, en tant qu'enseignante et en tant que chercheuse, quel grand mot, j'ai eu l'occasion, évidemment, les histoires de fantômes, elles traversent tous les textes antiques, dans tous les genres littéraires, on en trouve, y compris dans les textes de loi. Il y a des législations sur les maisons hantées. Donc, évidemment, avec mes étudiants, il m'est arrivé de traduire la lettre de Pline, la fameuse lettre de Pline, mais d'autres textes encore. Le fameux texte, alors c'est plus les fantômes, c'est le loup-garou de... Tous les latinistes connaissent le loup-garou du Satyricon de Pétrone, bon, pour n'en citer qu'un ou deux. Et puis après, dans mes travaux de recherche, comme je travaille sur les plaidoyers fictifs, du pseudo-quintilien, qui n'est pas spécialement connu. L'un des plaidoyers fictifs sur lequel j'ai travaillé, que j'ai traduit et commenté, s'intitule « Le tombeau ensorcelé », c'est « Pulchrum incantatum ». C'est une histoire justement de hantise qu'on essaye de faire cesser par des pratiques magiques. Et donc j'ai brassé à nouveau tous ces textes que j'ai relus et je me suis dit que ça ferait une magnifique anthologie. Donc j'ai proposé aux belles lettres, donc voilà, par goût et pour des raisons professionnelles aussi, c'est plus terre à terre, voilà. Alors, dans mon cas, c'est peut-être en prolongement avec mes premiers travaux de recherche de thèse. J'avais travaillé sur la Florence médicéenne en thèse, sur donc, la Florence des Médicis, mais au moment où Florence devient un principat. Donc, ce n'est pas le temps de Laurent le Magnifique, c'est le moment où, justement, c'est le moment où Florence entre dans ce que certains historiens avaient appelé les siècles oubliés, où il y a un certain déclin, un certain retrait. Et j'avais travaillé sur les pratiques, notamment les pratiques généalogiques des familles florentines, et je m'étais rendu compte que Florence devient une sorte de patrie de l'érudition locale et généalogique. Il y a une sorte de pulsion généalogique qui s'empare des élites et qui rend le passé complètement omniprésent. Et en étudiant le rapport au passé dans ces sociétés-là, je me suis dit, mais j'utilisais le terme de spectralité, et notamment les grands spectres républicains qui hantaient la Florence grand-ducale, et je m'étais dit qu'il faudrait passer de la métaphore à des rencontres beaucoup plus concrètes. Et du coup, je me suis lancée effectivement sur ce chantier de rencontres réelles, donc, telles qu'on pouvait les trouver dans les sources. Et moi, ça m'est un peu tombé dessus comme sujet. Je lisais un livre qui n'avait rien à voir, un livre d'un psychologue franco-brésilien, et qui citait le poème du poète brésilien Mario Quintana, un poème qui se termine par « Et je prépare moi-même le thé pour les fantômes ». Et c'est ce vers, en fait, qui m'a tout de suite frappée, avec tout de suite le thé, les fantômes. Voilà, tout était là depuis le début, même le titre du livre. Et c'est cette esthétique d'abord qui m'a frappée. J'ai imaginé tout de suite voilà, quelqu'un qui faisait du thé, qui prenait un thé avec les fantômes. Et je ne sais pas, ça a parlé à mon imaginaire. Et puis, voilà, je me suis plongée là-dedans. Et en fait, j'aime la figure du fantôme pour ce qu'elle représente en termes d'esthétique. Et puis, en termes aussi émotionnels. Ce sont des êtres qui sont à côté du vivant, un peu en décalage. Et je trouve qu'il y a là-dedans aussi une mélancolie, souvent, que je trouve belle et poétique. Bien, merci beaucoup de nous avoir entraînés dans la genèse de votre intérêt respectif pour les fantômes. Alors, des histoires de fantômes, on en connaît tous. Et on vient de le voir avec les deux historiennes ici. Hein. Il est possible d'écrire une histoire des fantômes. On va pouvoir peut-être préciser certaines choses que vous avez déjà abordées dans les questions précédentes, mais comment les auteurs grecs et latins, comment les auteurs de la Renaissance et de l'époque moderne, comment est-ce qu'ils se figuraient les fantômes? On a vu qu'on a effectivement tout un catalogue de termes pour les désigner. On voit aussi que le fantôme, finalement, peut être une métaphore dans les discours du pseudo-quintilien ou dans les discours de cette Florence post-Médicis. Bref, comment est-ce que les auteurs de ces périodes se figuraient les fantômes? Où est-ce qu'on les rencontrait dans ces sociétés anciennes? Et puis, surtout, on va peut-être refaire le lien ensuite avec les autrices, pourquoi est-ce qu'on invoque les fantômes dans l'Antiquité à l'époque moderne? Qui veut commencer? Chronologiquement, peut-être. Bon. Alors, je me lance. pour la représentation des fantômes dans l'Antiquité, ce qui est récurrent dans les textes, qui est très intéressant, c'est ce que j'appelle les 4 T. C'est pas T, T-H-E, accent aigu. Les 4 T, il y a 4 critères qui sont récurrents, qui réapparaissent systématiquement à la fois dans les textes et dans les images aussi, quand on en a. Alors, dans l'ordre ou le désordre, la taille, le teint, la texture et la tenue. Voilà, vous pouvez retenir ça. Vous aurez des clés pour analyser les textes. Donc, la taille, ce qui est intéressant, c'est que les fantômes, il faut qu'on puisse les identifier en tant que tels dans les récits. Donc, il y a des marqueurs qui vont être nécessaires. Hein, et la caractéristique, c'est que les fantômes vont être toujours sur ou sous-dimensionnés par rapport à la norme humaine. Donc pour la taille, ils vont être ou beaucoup plus grands ou tout petits, comme les aïdolas, justement, dont on parlait, qu'on voit notamment sur les lécites. Le teint, bah, ils vont être, c'est un monde en blanc et noir, hein, ou noir et blanc, donc ils vont être ou exsangues ou pâles, ce qui est assez logique, ou alors noirs comme des démons. Et ce qui est assez intéressant dans les textes anciens, c'est que souvent, on les représente comme des Africains, Aethiops, des Éthiopiens. C'est, le terme apparaît textuellement. Donc c'est les précurseurs des démons qu'on va rencontrer à l'époque médiévale, hein, très clairement. La texture, alors ça c'est fabuleux parce que ils ont une espèce de, on a qualifié ça de corporalité incorporelle, c'est-à-dire ils sont à la fois, ils ont une apparence, mais quand on essaye de les attraper, ils se volatilisent, voilà. Il y a le fameux thème du baiser frustré où quelqu'un voit un parent, il essaye d'embrasser 3 fois et puis voilà, on n'arrive jamais à étreindre ceux qu'on aime et qu'on revoit. Et puis le dernier, c'est la tenue. Alors la tenue, c'est intéressant parce que sur les vases attiques, où ils sont nus, où ils sont, et c'est la représentation la plus fréquente, ils sont, c'est celle qu'on voit déjà, les fantômes enveloppés d'un linceul, d'un drap. Et c'est une façon de les identifier très, très clairement et très nettement sur à la fois dans les textes et sur les représentations iconographiques. Et je pense que certains de ces éléments traversent l'histoire. Et alors justement, on invoque les fantômes. Je repense évidemment à Eschyle. Oui, entre autres. Mais pourquoi est-ce qu'on invoque les fantômes? À quoi est-ce qu'ils peuvent nous servir, les fantômes, quand on les invoque dans l'Antiquité? À tout. À tout, en réalité, parce qu'on les exploite, on les utilise énormément. Notamment pour des pratiques de nécromancie, et donc pour connaître l'avenir. Hein, on va évoquer les morts pour connaître l'avenir, parce qu'on considère qu'ils sont omniscients, donc ils ont la connaissance du passé. Ils peuvent expliquer aux vivants ce qui s'est passé. Mais ils ont aussi un don de prescience, donc ils peuvent aussi leur révéler l'avenir. Donc il y a beaucoup de scènes de nécromancie qui sont très noires dans les textes antiques. On les utilise pour soigner et guérir aussi, ça c'est peut-être le versant, mais enfin bon, par des pratiques qui sont aussi qui s'approchent plutôt de la sorcellerie et de la magie noire qu'autre chose. Et puis, moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez les tablettes de défiction, qui sont assez extraordinaires. Donc, ce sont des tablettes en plomb qui sont percées d'un clou où on invoque les esprits des morts et des tas d'autres créatures de la nuit, des ténèbres maléfiques, pour essayer de réduire quelqu'un à sa merci. Alors, dans différents champs qui sont très concrets, par exemple, quand deux commerçants sont en concurrence pour nuire à la concurrence, dans les courses de chars pour nuire à la partie adverse, pour que le char des verts s'écroule et que le char des bleus gagne, pour attirer une femme à soi, notamment. Et puis j'en oublie une, sans doute, elle m'échappe maintenant. Mais voilà, on peut utiliser, invoquer les morts à toutes sortes de fins. Merci. Alors, je me tourne vers Caroline. Et là, on fait un bond dans le temps, en fait, hein, depuis l'Antiquité. Il y a une révolution, en tout cas en Europe occidentale. C'est la christianisation. Et pour la période à laquelle tu t'intéresses, l'époque moderne, il y a une autre, un autre bouleversement qui est eh bien le fait que le christianisme dans l'Europe occidentale se scinde en deux branches, hein, les catholiques et puis ceux que les catholiques vont appeler les protestants et qui, eux, vont s'appeler les réformés. Quel bouleversement ces changements vont apporter dans le rapport aux fantômes ? Alors, effectivement, c'est souvent, on présente l'aube de la modernité, le XVIe siècle, comme le début de la fin des fantômes. Hein, depuis Max Weber et la grande thèse du désenchantement du monde, ce serait le moment où on a cessé de croire, le début du moment où on aurait cessé de croire aux fantômes. Le facteur historique de ce et l'acteur majeur de ce changement, ce serait donc la réforme protestante. Que vient bouleverser la réforme protestante ? Elle vient bouleverser une évolution qui a eu lieu dans la chrétienté, une évolution lente qui a placé peu à peu l'Église chrétienne du côté des fantômes. Et ça, déjà, c'était le fruit d'une histoire. C'est-à-dire qu'au début, dans les premiers siècles, le premier siècle chrétien, l'Église regardait quand même, la théologie regardait, et les théologiens regardaient quand même un petit peu avec inquiétude cette créature aux accents véritablement païens. Hein, les textes en étaient pleins. Donc, bon, Augustin regarde ça avec beaucoup de d'hostilité. Et puis, avec la naissance qu'on a appelée la naissance du purgatoire, ou en tout cas la consolidation du dogme qui veut que entre le paradis et l'enfer, un tiers lieu entre guillemets existe à l'intérieur duquel, entre la mort et le jugement dernier, les âmes vont pouvoir purger leurs péchés. Pour pouvoir finalement, au jour du jugement, aller en paradis. Ce purgatoire, il est intéressant parce que c'est un tiers-lieu, donc on peut en revenir, alors qu'on ne peut pas revenir du paradis, on n'a pas de raison de revenir du paradis. Une fois qu'on est en enfer, on est en enfer. Tandis que quand on est en purgatoire, sur commandation express de Dieu, on peut revenir auprès des vivants pour accomplir une mission de dévotionnelle pieuse, hein, c'est-à-dire avertir quelqu'un qui serait pas sur la bonne voie que s'il continue ça va mal se passer, ou au contraire l'encourager sur la bonne voie. Donc à partir du XIVe et XVe siècle, les textes dévotionnels chrétiens s'étaient remplis d'apparitions d'âmes du purgatoire. Donc des retours d'âmes. Et alors c'était des proches toujours. Hein. C'est un père qui revient, un époux, des enfants aussi. Et donc la littérature s'était peuplée de ces petites rencontres, de ces scènes de rencontres de vivants et de morts. Alors, pour l'Église, c'était aussi, ça n'était pas sans calcul, en tout cas, ça avait des bénéfices, c'est-à-dire que cette solidarité des vivants et des morts qui s'imposait, c'est-à-dire que les vivants pouvaient faire quelque chose pour le salut des morts en priant, etc. De même, les morts pouvaient travailler au salut des vivants. Cette solidarité des vivants et des morts, elle s'appuyait sur le système des indulgences aussi. On pouvait acheter des indulgences faire des dons à l'Église pour écourter son temps de purgatoire ou le temps de purgatoire d'autres. Donc le système des indulgences fonctionne avec le purgatoire, hein, et rapporte énormément d'argent à ce moment-là à l'Église. C'est ce qui va choquer un moine augustinien du nom de Luther et qui va justement, dans son processus de réforme, commencer par réfuter le dogme du purgatoire. Et si on réfute le dogme du purgatoire, ben au fond, il n'y a plus de lieu d'où revenir. Le problème, c'est que les fantômes vont, quand on les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Ils vont revenir dans le monde protestant. Mais je laisse la parole. Chris, justement, il me semble que c'était un sujet qui te tenait qui te tenait à cœur et justement cette articulation entre la religion, les fantômes, les histoires de fantômes. Comment est-ce qu'on peut équilibrer tout cela ? Oui, c'est intéressant. Moi, effectivement, je suis protestante. donc ça me parle, notamment quand j'écris des histoires de fantômes. Moi, dans mon roman, le fantôme n'est pas du tout là en tant que créature réelle, puisque je ne crois pas aux fantômes. La Bible est très claire, hein, y a le monde des vivants et le monde des morts. Mais mes fantômes sont plutôt là en tant qu'incarnation de thématiques sur l'héritage familial, des choses qui nous hantent, des héritages qu'on porte un peu malgré soi dans l'inconscience qui se transmet entre les générations. Après, cela étant dit, ça me fait penser en fait à une parabole de Jésus dans le Nouveau Testament qui raconte une histoire de Lazare, l'homme pauvre, qui vit toute sa vie dans la misère au pied de la maison d'un homme très riche, qui lui vit toute sa vie dans l'abondance. Et Lazare, lui, craint Dieu, alors que l'homme riche ne se soucie absolument pas de Dieu. Et puis les deux meurent. Alors Lazare obtient ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire une vie éternelle avec Dieu, tandis que l'homme riche obtient aussi ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire une vie éternelle sans Dieu. Et c'est juste ça, en fait, le paradis et l'enfer. Dans l'histoire, l'homme riche qui est dans des souffrances atroces regarde Lazare au loin qui est au paradis et lui dit « Mais c'est terrible, je ne savais pas. Est-ce que tu peux redescendre sur terre et dire à mes frères qui sont restés sur terre ce qui les attend pour qu'ils changent de voie, pour qu'ils comprennent et qu'ils craignent Dieu ?» Et de l'autre côté, il y a Lazare avec Abraham qui dit « Non, ils avaient la loi et les prophètes, ils avaient la Bible. Et même un homme qui reviendrait des morts ne servirait à rien. » Donc voilà. Dans ma vision des choses, il y a vraiment ce gouffre et ce fossé. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, mes fantômes... parce qu'on me demande souvent, du coup, avec ce livre-là, « Et toi, est-ce que tu crois aux fantômes ?» Non, je crois bien évidemment dans un monde spirituel, en tant que chrétienne. Et donc, my take on this, mon point de vue là-dessus, c'est que les fantômes qui peuvent apparaître... J'ai vu quelqu'un passer avec une planche de Ouija tout à l'heure sur son T-shirt. Sont en fait des atours un peu plus rassurants et attirants que prennent des puissances bien plus néfastes et dangereuses pour vous approcher. Merci beaucoup. Et je vais me tourner à nouveau vers Nathalie. Mais comme Chris, tu as choisi de mettre en scène des fantômes aux personnalités, en tout cas un fantôme, une âme, à la personnalité assez marquée. Souvent, quand on se figure le fantôme, on pense à une entité un peu évanescente. Et on oublie en fait le vivant que cette âme a pu être, ce qui n'est pas du tout le cas avec le personnage de Louis, dont on voit se dessiner tous les contours au gré de la lecture. Vraiment, j'insiste, il faut le lire très très bien. Comment est-ce qu'on construit un personnage de fantôme ? Parce qu'un personnage vivant, c'est assez évident. Maintenant, un personnage de fantôme, comment est-ce qu'on le construit et qu'est-ce qu'on s'imagine peut-être ou qu'est-ce qu'on ne s'imagine pas ? De sa part de vivant. Alors, dans un premier temps, il faut construire, avant de construire un personnage de fantôme, ma première étape, ça a été de construire un univers de fantôme. Qu'est-ce que c'est que cet univers de fantôme que j'appelle l'entremonde ? Donc, qu'est-ce que j'ai voulu mettre dans cet univers ? Je me suis dit que j'avais envie d'y mettre des caractéristiques très, très cartésiennes, très terre-à-terre. Et donc, mes fantômes à moi, mes âmes, s'inspirent beaucoup des êtres vivants, du réel. Donc, ma société de fantômes à moi, c'est une société qui est très hiérarchisée pour commencer. On a des âmes simples, on a des démons, on a des âmes gardiennes qui veillent sur les vivants. Ensuite, dans les caractéristiques très rationnelles que j'ai voulu prendre pour cet univers-là, il y a les sens. Les fantômes ont ceci de commun avec les vivants, qu'ils vont avoir des sens. Alors très généralement, on dit des âmes qu'elles voient et qu'elles entendent. Moi, je leur ai rajouté l'odorat, parce que je trouvais que c'était bien sympathique pour servir l'histoire, de pouvoir les attirer avec des filtres. Et je voulais en cela les rapprocher le plus possible du vivant. Il y avait une autre caractéristique qui me tenait à cœur, c'est parler du vieillissement des âmes. Parce que ces âmes-là, elles sont peut-être perdues dans l'entremonde depuis très très longtemps. Et si on, toujours dans cette démarche très cartésienne, si on est là depuis très longtemps, est-ce qu'on n'oublie pas des choses ? Est-ce qu'on n'oublie pas qui on est, qui on a été ? Et mes âmes ont ceci de caractéristique, c'est que bah, plus elles sont âgées, et souvent elles oublient qui elles sont, au point d'oublier leur propre apparence et de pouvoir devenir des âmes lumière. Cette partie-là me tenait vraiment à cœur parce que j'y trouvais une forme de poésie. Est-ce qu'on n'oublie pas qui on est, qui on a été, quel enfant on a été ? Et ça me touchait vraiment de pouvoir avoir un personnage, donc le fameux Louis, qui a oublié finalement quel enfant il avait été. Et du coup, ce vieillissement des âmes, c'est aussi notre vieillissement à tous, qui est un thème qui est toujours difficile à aborder. Qu'est-ce qu'on oublie et qu'est-ce qu'on garde ? Enfin, j'ai voulu ajouter aussi une dimension un peu plus poétique à mes âmes. Mes âmes, il y a quelque chose d'assez caractéristique, c'est que pour elles, le jour des vivants, c'est la nuit. Et alors que c'est l'inverse, la nuit, pour elles, c'est le jour. Et j'avais envie de me dire que les âmes pouvaient voir l'obscurité de notre humanité. Merci beaucoup. Chris, est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de tes personnages fantômes que toi, tu invoques, non pas avec des filtres. Alors, c'est très intéressant. J'aurais pu aussi vous reposer une question. On verra si on a du temps. Je vais aussi en laisser pour le public. Mais justement, sur la manière dont vous avez imaginé l'entrée en communication, donc toi, avec les filtres et les odeurs, toi, avec aussi les odeurs, mais plutôt des saveurs, hein, avec ces thés très... voilà. Très choisi qu'on va faire consommer pour inviter les fantômes. Alors voilà, tes fantômes, comment est-ce que tu les as construits ? Qu'est-ce que tu as investi en eux ? Qu'est-ce que tu as infusé en eux ? Alors moi, mes fantômes, ils ont pas la taille et ils ont pas le teint. Ils ont un peu la texture parce que effectivement, on peut pas les toucher, et un peu la tenue, mais ça dépend. C'est-à-dire qu'ils sont juste dans leur exacte apparence du moment où ils sont morts. Et en fait, j'ai un personnage qui les voit, c'est Félicité, et elle les voit comme des vivants, exactement. Donc voilà, comme vous et moi, c'est juste qu'elle a appris à les reconnaître parce qu'elle dit qu'ils ont toujours l'air de marcher à côté d'eux-mêmes. Ils sont un peu en dehors du réel et ils n'ont pas forcément conscience qu'ils sont morts. Pour avoir conscience qu'ils sont morts, il faut qu'ils boivent des étranges thés, donc des thés un peu spéciaux qui poussent dans la vallée des merveilles et qui, lorsqu'ils sont bus par les fantômes, les remettent dans le présent, leur font reprendre conscience de qui ils sont, de qui ils étaient, et les font plonger dans leurs souvenirs. Donc on a une fantôme qui vit avec Félicité, et donc elle est tout le temps abreuvée de thé, et donc qui est parfaitement consciente de où et quand elle est. Mais sinon, les autres, non. Et on a tout un rituel et des objets qui sont fantopréhensibles. Donc on a besoin de théières fantopréhensibles, de tasses fantopréhensibles pour que les fantômes puissent boire ce thé. Et c'est à travers ça que Félicité, ma passeuse de fantômes, va pouvoir les inviter à raconter en fait ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient au moment de mourir, puisqu'on devient fantôme lorsqu'on meurt en pleine phrase, qu'on n'a pas terminé sa phrase. Et le job de Félicité, c'est de permettre aux fantômes de dire ce qu'ils voulaient dire avant de mourir. Et elle va dire à voix haute la fin de la phrase aux oreilles de ceux à qui elle était destinée. Et c'est ça qui va permettre de les faire passer de l'autre côté. Mais alors, ces fantômes qu'on peut invoquer et avec lesquels on peut rentrer en communication grâce aux étrangetés, comment est-ce que tu as construit, comment est-ce que tu as réfléchi leur personnalité ? Alors, je pense, pour des raisons... pas du tout professionnelle, à Adélaïde, parce que j'en ai une qui s'appelle comme ça, qui est bien vivante. Mais voilà, comment est-ce que tu les as construits et je pense que ça rentre aussi un peu en résonance avec ce concept d'outre-nom. Hein, qu'est-ce que tu mets dans tes fantômes et non dans ton thé pour les fantômes? Je ne sais pas si je les ai vraiment construits très différemment de mes personnages vivants. Ça m'était bien utile aussi d'avoir des fantômes parce qu'on a ces deux sœurs qui vont chercher le fantôme de leur mère qui est morte pour comprendre ce qu'elle voulait dire au moment de mourir. Et donc, elles vont interroger des vivants, mais aussi des morts pour comprendre son passé. Et donc, j'avais besoin de remonter comme ça dans le temps. Et donc, ça m'était très utile qu'elles puissent aller rencontrer leurs grands-parents décédés. Donc, la fameuse Adélaïde, qui est un fantôme un peu fascinant et un peu atroce. Et ce qui me semblait intéressant aussi avec les fantômes, c'est que comme ils sont pendant des décennies ou des siècles dans les mêmes boucles temporelles, ils sont très engoncés aussi dans leur certitude, dans leur vision du monde. Ils n'arrivent pas à en sortir. Et je trouvais ça intéressant d'interroger voilà, un petit peu ça. Ça me fait penser un peu à ce que tu dis, Nathalie, sur le vieillissement de l'âme. Bah là, c'est des âmes tellement vieilles qu'elles n'arrivent plus à sortir de leur certitude. Merci beaucoup. Caroline, tu as travaillé sur le paradoxe du fantôme à l'époque moderne. On se dit le paradoxe que cette époque, avec l'apparition du protestantisme, avec aussi l'apparition de la concrétisation de ce qu'on va appeler la rationalité qui va donner lieu ensuite à l'époque des Lumières, tout ça aurait dû permettre de se débarrasser des fantômes, mais en fait, finalement, on les a réanimés, si je puis dire, ces fantômes. Finalement, et là, je vous invoque toutes les quatre, qu'est-ce que les fantômes nous disent? Si j'ai bien compris, en fait, les fantômes ne nous racontent pas grand-chose sur les morts en eux-mêmes. Les fantômes nous disent beaucoup de choses sur les vivants, essentiellement sur les vivants. D'ailleurs, quand on étudie les morts en histoire, on étudie les vivants parmi les morts. Mais bon, qu'est-ce que ces fantômes nous racontent des sociétés qui les invoquent, qui les inventent, pour ceux qui pensent que c'est inventé, ou qui les craignent, parfois en n'étant pas tout à fait sûr voilà, qu'ils existent ou pas, mais on les craint un peu par défaut. Finalement, qu'est-ce que... Tu as déjà commencé à répondre là-dessus avec ce vieillissement des âmes, mais qu'est-ce que les fantômes nous disent de nous? Faut dire à qui est la question. Alors, je sais pas. Alors, il faut que je dise, mais je te pose la question à toi. Alors, juste sur la question de ce paradoxe, effectivement, l'historien, il date d'abord. Donc, une des questions qui était en arrière-plan de mon travail, c'est, ou en tout cas qu'on me posait beaucoup, c'est est-ce qu'il y a des périodes plus ou moins hantées? Est-ce qu'il y a des périodes de l'histoire à fantômes et des périodes de l'histoire pas à fantômes? Et effectivement, c'était ce qu'on pouvait imaginer si on partait du point de vue qu'effectivement, à partir du XVIe siècle, eh bien, cette croyance, elle commençait à s'adécrue. Et l'objectif de mon livre, ça a été de montrer que non, en fait. Le commerce des vivants et des morts est tout aussi actif en pleine réforme, au temps de la réforme qu'avant, simplement. Ce qui change, c'est quand même des modalités de. Il y a ce que j'appelle des régimes de spectralité, c'est-à-dire des façons d'invoquer les morts, des dispositifs différents. Hein. Et puis, puisqu'on parlait de. Je suis très intéressée par effectivement le lien à la religion, et c'est vrai qu'au départ, la réforme luthérienne rejette les fantômes, l'anglicanisme aussi, mais très vite, en fait, ils reviennent au XVIIe siècle. Il y a même des ministres protestants anglicans qui vont publier des recueils d'apparitions de fantômes, parce qu'à ce moment-là, la nécessité du fantôme, elle a changé un petit peu d'objectif. C'est pour lutter contre la montée de l'athéisme. Et le fantôme devient la preuve de l'existence de Dieu qui autorise ces allers-retours. Ensuite, voilà, la théologie et la Bible. Alors, il y a des récits d'apparition. Dans la Bible, il y en a un, notamment le récit de l'apparition de l'ombre de Samuel invoqué par la sorcière d'Endor. Simplement, pour les luthériens, ce sera une apparition diabolique. Pour les catholiques, ça va être soit une apparition d'âme, soit parfois une apparition diabolique. Donc, en réalité, la question de la croyance, en fait, elle est au fond, elle n'est pas la bonne. C'est-à-dire que quand on, c'est le travail des sociologues aujourd'hui, de sociologues comme ceux de comme Vinciane, enfin des philosophes comme Vinciane Després, de dire que la question croyez-vous aux fantômes, c'est pas la bonne question à poser. Hein. C'est qu'est-ce que vous faites avec vos morts en quelque sorte. Ils sont une des réponses, c'est ils sont créateurs d'œuvres. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des bonnes preuves de ce caractère effectivement poétique du fantôme. Bien, merci beaucoup. Une dernière question avant de laisser la parole au public. Est-ce que vous auriez une histoire de fantôme qui vous a marqué et dont vous pourriez nous raconter en quelques mots? Bon, à titre personnel, je ne peux pas te dire si j'ai vu des âmes ou pas, pour des raisons de secret assez évidentes. Il y a une histoire, alors ce n'est pas vraiment une histoire de fantôme, pour tous ceux qui auront lu le portrait de Dorian Gray. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, se retrouver face à son âme. Et on parle des fantômes comme si c'était... on parle des fantômes en pensant aux fantômes des autres. Mais alors moi, c'est plutôt une question que je me pose. Comment je réagirais si je me retrouvais face à mon âme après ma mort, qui aurait la connaissance de tout mon vécu? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Cette rencontre-là, j'aimerais bien la faire. Moi, ça ne va pas être très poétique du tout, ça va être plutôt marrant. Quand j'étais en colo, j'avais avoir une dizaine d'années, un été, les animateurs avaient trouvé ça intelligent d'emmener tous les colons dans la forêt autour d'un feu de camp et nous raconter des histoires qui faisaient peur. Et on avait raconté l'histoire des deux sœurs jumelles, dont une qui est morte à la naissance. Et la sœur vivante s'appelait Céline. Et puis un soir, elle reste... Ah oui, parce qu'elles étaient... Ah non, ça, c'était jumelles dans le ventre. Et l'autre, en fait, avait comme repris son cœur et son foie. Et l'autre, du coup, l'autre embryon était mort. Et donc, un truc hyper glauque. Et la sœur vivante, un soir, toute seule à la maison, parce que ses parents sont partis, elle entend « Céline, rends-moi mon cœur et mon foie ». Et puis, ça chantait comme ça « Je suis dans la cuisine, je suis dans l'escalier ». Et puis, à chaque fois, enfin, c'était horrible comme histoire. Et ça finissait juste en hurlement pour faire sursauter tout le monde. Et alors, ils se sont fait engueuler parce que plus personne n'arrivait à dormir après. Moi, la première, ça m'a terrifiée pendant des années. J'espère que tout le monde réussira à dormir ce soir, ici. Alors moi, je l'ai raconté, mon histoire de fantôme, ça a été cette traduction au lycée de Pline, le jeune, qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, les grands anciens, en tout cas ceux-là, pouvaient être super rigolos et super intéressants. Donc voilà, je vous renvoie à tous ces très beaux livres qui traitent de manière extrêmement différente de cette matière qui elle-même peut être extrêmement protéiforme, hein, qui est celle des fantômes, des âmes, de l'au-delà, de ce questionnement qu'on peut se poser sur soi-même, finalement, à travers les fantômes. Et j'ai beaucoup aimé cette dernière question que tu nous poses, ce dernier débat. Voilà, qu'est-ce qu'on aimerait nous dire à nous-mêmes si on avait l'occasion de se rencontrer entre fantômes? Et je crois que c'est la seule rencontre, pour le coup, qui serait impossible, malheureusement, mais qui reste très... très intéressante à réfléchir. Est-ce que nous avons des questions parmi le public? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui sont prévus ou s'il faut juste que vous parliez très, très fort. Il faut qu'ils parlent fort. Voilà, alors il faut que vous parliez fort. Oui, allez-y, oui. Mais je parle fort, c'est bon. Alors, en effet, ce sont des âmes qui sont perdues, qui se cherchent, qui sont piégées. Alors, le concept de l'entremonde, il est très judéo-chrétien. C'est le purgatoire, complètement. Et le rôle, la mission des passeurs d'âmes, c'est de s'intéresser à ce que l'âme a été de son vivant. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué. Plus une âme est vieille, plus c'est compliqué de savoir ce qu'elle a été de son vivant, pour essayer de comprendre ce qui la piège dans cet entremonde. Est-ce que... alors, ça peut être une mort violente. Est-ce que cette âme-là avait des choses à dire ou à faire qu'elle n'a pas pu faire au moment de mourir? Et les passeurs, avant d'accompagner l'âme vers le chemin de lumière et donc vers l'autre monde, leur rôle, c'est de prendre le relais de ce que l'âme n'a pas pu faire. Les passeurs d'âme sont des vivants. Ils font partie des vivants et ils accompagnent la mort. Je répéterai s'il faut pour que tout le monde entende. Donc la question porte sur l'aspect symbolique du fantôme finalement en littérature. Moi je crois que j'ai répondu un petit peu tout à l'heure, hein, le fantôme comme représentation de ce qui reste des morts une fois qu'ils sont partis parmi les vivants, comme représentation du souvenir, comme représentation des transmissions familiales un peu forcées, un peu lourdes parfois. Et justement on aimerait bien se débarrasser de ces fantômes-là. Après, dans la question, le monsieur parlait aussi du fantôme chez Shakespeare, mais je ne suis pas du tout spécialiste de Shakespeare, donc si d'autres parmi vous veulent en parler. Dans Hamlet. Alors, justement, la question de Shakespeare, elle est fondamentale parce que tout le monde s'est demandé d'où venait le fantôme du père de Hamlet. C'est-à-dire que Shakespeare, il écrit dans un contexte anglican. Le fantôme du père de Hamlet, à l'évidence, n'est pas une apparition diabolique. Donc, et puis il y a des termes qui montrent que il semble venir d'un espace qui ressemble à celui du purgatoire. Et une des thèses avancées par les historiens pour expliquer le succès, parce que ce qui est fascinant dans Hamlet, c'est que ça a eu un succès phénoménal. C'est-à-dire, c'est vraiment un... Il faut se représenter la mode, et même au-delà du fantôme du père de Hamlet, la mode de la présence des fantômes dans le théâtre élisabétain. Et une des thèses qui permettrait d'expliquer, c'est ce qu'on pourrait appeler cette énergie sociale des spectres dans le théâtre élisabétain, c'est justement la disparition du culte funéraire traditionnel dans le contexte anglican. Et au fond, le théâtre élisabétain serait devenu une forme de lieu de substitution pour un culte des morts qui était devenu très, très, très puritain, avec très peu de manifestations. Dans le premier anglicanisme, les vivants ne peuvent plus rien pour les morts. Donc la prière est très courte. Il n'y a quasiment aucun rituel. Et ça aurait tellement choqué la population que le fantôme serait revenu sur les tréteaux du théâtre. Il Non, pour répondre par rapport aux textes anciens, clairement, le plus souvent, les fantômes sont quand même l'incarnation du remords. Ça, c'est quand même la plupart des fantômes qui reviennent dans l'Antiquité, c'est pour réclamer quelque chose, et en général, c'est pour crier justice ou vengeance. Donc, oui, on comprend bien quel est le mécanisme qui a pu mettre en œuvre, faire apparaître, générer ce genre de créatures dans les textes, tout au moins, hein, ou même les mythes. Hein. Tu parlais du tragique, voilà. Là, c'est très clair. Hein. Je me permets d'outrepasser ma fonction de modératrice dans les sociétés anciennes. Je pense à la Grèce, mais je pense aussi à la Mésopotamie. On a ces figures qui reviennent, ces morts qui viennent crier vengeance, mais pas forcément parce qu'un vivant leur aurait fait du mal. On a aussi toute cette catégorie de ce qu'on appelle les aoroi. Les aoroi, ce sont les morts avant l'heure. Ils n'ont pas pu accomplir ce qu'ils avaient à accomplir et ils reviennent. Et il faut les apaiser. Et alors effectivement, les rites funéraires vont servir aussi à s'assurer qu'ils ne vont pas revenir. Mais on a ce peuple, ces entités. Et alors, je voulais parler du rôle aussi des fantômes par rapport à ce que ça nous apprend des sociétés. Je pense à la Mésopotamie, mais en Grèce, finalement, c'est la même chose. Dans les sociétés de régime démographique ancien, on a notamment un très fort taux de mortalité infantile, ce qui est vécu comme un scandale absolu pour les parents, même si ça se passe il y a 3000 ans. Personne ne supporte de perdre un enfant, quel que soit le stade de la grossesse lorsqu'il est désiré. Et on a en fait ces personnages qui sont là aussi pour déculpabiliser la mère. C'est pas elle, c'est l'Ardat Lilith en Mésopotamie, ou c'est l'Amia dans le monde grec qui s'en est pris à l'enfant. Donc on a aussi ces fantômes qui servent finalement pour les vivants à un petit peu mieux vivre. Je crois que nous sommes arrivés quasiment au terme parce qu'il doit y avoir une autre table ronde juste après. Est-ce qu'on peut prendre peut-être une dernière question? Je regarde si... Voilà, on nous autorise une dernière question et je viens de voir un bras se lever au fond. Alors, il va falloir que vous parliez très très fort. À peu près. Comment est-ce qu'on explique l'invariant du fantôme à l'échelle de l'humanité? Donc on va repartir pour une deuxième table ronde, si vous êtes prêts. Mais est-ce que vous avez peut-être une piste, une réflexion? Je peux juste donner la réponse d'une sociologue qui s'appelle Avery Gordon et qui fait la distinction entre le trauma et le fantôme. Elle dit, dans une situation de trauma, on est dans un blocage. Et donc les vivants ne font que répéter ce qui a produit la crise. Alors que le fantôme, elle dit, il est porteur d'un « something is to be done », d'un quelque chose qui doit être fait. Et c'est exactement ce qu'on a entendu dans les différentes interventions. Le fantôme, il est porteur d'un message ou d'une action à accomplir. Terminer la phrase, c'est une très jolie idée parce que c'est exactement ça, c'est « something is to be done ». Et le fait d'accomplir ce qui a été interrompu ou qui n'a pas eu lieu, eh bien, c'est une façon, effectivement, pour les vivants et les morts de trouver ou d'achever et de régler un conflit. Eh bien, nous aurons réussi, nous aurons accompli nous aurons fini notre phrase et donc nous allons pouvoir reprendre le cours de notre après-midi. Je vous remercie d'être venus en nombre. Je vous remercie pour vos questions très pertinentes qui nous ont permis d'ouvrir, d'élargir et de montrer aussi toutes ces attaches, tous ces ponts qu'on peut jeter entre récit de l'imaginaire et puis travail sur les textes historiques et travail évidemment sur l'histoire. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Caroline Callard, Nathalie Sirac, Catherine Schneider et Chris Vuklicevic. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.